Le bouddhisme au Tibet, précédé du résumé des précédents systèmes bouddhiques dans l'Inde, par Émile de Schlaginweit, traduit de l'anglais par Monsieur de Miloué. Chapitre 3. Système religieux de Sakyamuni. La loi fondamentale, le dogme des quatre vérités et les chemins du salut. Quoique fondateur du bouddhisme, Sakyamuni n'est plus considéré comme le premier Bouddha. Plusieurs Bouddhas très parfaits l'avaient précédé, à ce que l'on croit maintenant, et d'autres paraîtront plus tard, mais tous ont enseigné la même loi. Note. Cette théorie paraît avoir été déjà introduite dans la mythologie bouddhiste par l'école Sutrantika. À ce dogme se rapporte aussi le nom de Tathagata, l'ainsi allant. Épithète utilisé par le Bouddha pour se désigner lui-même. Fin de la note. Le système religieux original, tel que l'enseignait Sakyamuni, est simple en ses principes, son caractère est la hardiesse de la spéculation philosophique. Voici son dogme fondamental. Toute existence est un mal, car la naissance enfante le chagrin, la souffrance, la décrépitude, la mort. La vie présente n'est pas la première, d'innombrables naissances l'ont précédée dans les siècles antérieurs. La reproduction d'une nouvelle existence est la conséquence du désir des objets existants et des actions agrégées en une succession non interrompue depuis le commencement de l'existence. La propension au plaisir de la vie produit le nouvel être. Les actes des premières existences déterminent la condition dans laquelle ce nouvel être devra naître. Si ces actes ont été bons, l'être naîtra dans un état de bonheur et de distinction. Au contraire, ont-ils été mauvais, l'être est destiné à un état de misère et de dégradation. L'annihilation absolue des conditions et douleurs de l'existence, Nirvana s'obtient par une domination très complète de la passion, des mauvais désirs et des sensations naturelles. Sakyamuni développe cette doctrine fondamentale dans la théorie des quatre excellentes vérités, la douleur, la production, la cessation, le chemin. Elle s'appelle en sanskrit, Aryani Satyani, et en tibétain, Phagpe Dampasi. Leur sens peut se définir ainsi. Premièrement, la douleur est inséparable de l'existence. Deuxièmement, l'existence est produite par les passions et les mauvais désirs. Troisièmement, la cessation des mauvais désirs met fin à l'existence. Quatrièmement, révélation de la voie qui mène à cette cessation. En détaillant les préceptes moraux de la quatrième vérité, il indique 8 bons chemins. Premièrement, la bonne opinion ou orthodoxie. Deuxièmement, le bon jugement qui dissipe tout doute et incertitude. Troisièmement, les bons discours ou parfaite méditation. Quatrièmement, la bonne manière d'agir, ou de garder dans toute action un but pur et honnête. Cinquièmement, la bonne manière de supporter la vie, ou de gagner sa subsistance par des moyens honnêtes sans la souillure du péché. Sixièmement, la bonne direction de l'intelligence qui conduit au salut final, de l'autre côté de la rivière. Septièmement, la bonne mémoire qui permet à l'homme d'imprimer fortement dans son esprit ce qu'il ne doit pas oublier. Huitièmement, la bonne méditation, ou esprit tranquille, par lequel seulement on peut atteindre à la constance dans la méditation sans être troublé par aucun événement. On a douté avec raison que Sakyamuni ait enseigné les quatre vérités sous cette forme, mais il doit avoir parlé des moyens d'atteindre à la libération finale. Ou celle où j'ai ajouté ici ces 8 classes du chemin qui lui sont attribuées déjà dans les plus anciens sutras. Au sujet des 4 vérités voyées, Ksoma, Burnouf, et Lotus de la Bonne Loi, appendice 5. Dans le chapitre suivant on verra une autre série de ces 8 classes, qui sont évidemment le produit d'écoles plus nouvelles. La théorie des 4 vérités a été formulée en une courte sentence, qu'on a découverte sur plusieurs anciennes images bouddhiques. En outre, on la récite actuellement comme une sorte de profession de foi et on l'ajoute au traité religieux. La voici. Toutes choses procèdent de cause, le Tathagata a expliqué la cause de leur procession. Le grand Sramana a également déclaré la cause de la fin de toutes choses. Tathagata et Sramana sont deux épithètes de Sakyamuni, ainsi qu'il a été dit précédemment. Les anciens livres religieux appliquent aux disciples de Sakyamuni le titre Sravaka, auditeur, nom qui se rapporte à leur perfection spirituelle. Les bouddhistes de cette époque paraissent s'être donné le nom de Sramana, ceux qui domptent leur pensée, qui agissent purement par allusion à leur vertu morale et à leur conduite générale. Chapitre 4. Système Hinayana. Controverse sur les lois de Sakyamuni. Doctrine Hinayana. Les 12 Nidana. Caractère des préceptes. Méditation abstraite conseillée. Degré de perfection. À l'époque de la mort de Sakyamuni, les hindous n'étaient pas assez civilisés pour avoir une littérature, et les prétentions des bouddhistes à posséder des lois écrites de son vivant, selon la croyance du Népal, ou immédiatement après sa mort, opinion des Chinois, sont positivement sans fondement. D'après de récentes recherches, il paraît probable que les alphabets qui ont servi à écrire les premières données historiques connues, inscription du roi Asoka, environ 250 ans avant Jésus-Christ, étaient imités de l'alphabet phénicien. Celui-ci fut apporté aux Indes par des marchands vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. À la même époque, les lettres grecques furent connues dans les anciens districts de Gainara et de Sinou, contrées au pied de l'Himalaya arrosé par l'Indus. Confer Weber, Vassiliev, pense cependant que les missionnaires bouddhistes avaient appris les lettres grecques dans la Bactriane au 3e siècle avant Jésus-Christ et croit qu'Asoka composa d'après elle les alphabets employés dans ses inscriptions. Nous pouvons maintenant affirmer que les paroles et les doctrines attribuées à Sakyamuni se transmettaient par tradition orale jusqu'au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Les histoires écrites furent entreprises séparément par les bouddhistes du nord et ceux du sud. À Ceylan, les prêtres les écrivirent pendant le règne de Vartagamani, 88 à 76 avant Jésus-Christ. Leurs frères du Nord rédigèrent leur tradition dans une assemblée de prêtres, ou synodes, réunis par le roi Turushka Kanishka. Les Cingalais employèrent la langue vulgaire, et leurs livres furent traduits en dialecte sacré, Pali. Au commencement du 5e siècle de notre ère, les branches du Nord se servirent du sanskrit. Confer Turnour. Jusqu'à cette époque la religion s'était conservée par tradition, il est donc douteux que la loi originale soit restée pure de toute altération au milieu des modifications naturelles inhérentes à la tradition orale, quoique, selon l'histoire bouddhique, les paroles de Sakyamuni aient déjà reçu une forme précise et bien définie depuis l'année de sa mort. Bien plus, Nous avons la preuve positive que des altérations arbitraires et des additions ont été faites volontairement, principalement au sujet de détails historiques donnés par les recueils primitifs. De telles modifications deviennent bientôt fréquentes et prennent de l'importance, non pas positivement en elles-mêmes, mais par la prétention de chaque nouvelle secte à des dogmes particuliers révélés par Sakyamuni. L'orthodoxie de chaque nouvelle école dogmatique est fondée sur la supposition que la parole du Bouddha doit se prendre dans un double sens, parce qu'il a souvent été forcé, en raison de l'intelligence de ses auditeurs, d'expliquer certains sujets tout à fait à l'opposé de sa véritable opinion. Chaque nouvelle secte qui s'établit ne repousse pas les travaux précédents comme falsifiés, mais prétend avoir découvert le sens vrai de sa parole. Confère Burnouf et Vassiliev. Pendant le premier siècle après la mort de Sakyamuni, il ne s'élève point de controverse sur ses lois, mais alors une nombreuse confrérie de moines, 12 000 dit-on, affirme l'efficacité de 10 indulgences. Leur doctrine est condamnée par l'assemblée des prêtres au synode de Vaisale, ville au nord de Patna, Pataliputra, sur la rive orientale du Gandak. Ils refusent de se soumettre à ce jugement et forment le premier schisme. Note. À ce synode fut proposé le dogme suivant. Cela seul peut passer comme la véritable doctrine du Bouddha, qui n'est pas en contradiction avec la saine raison. La conséquence immédiate de cette doctrine fut la formation de diverses écoles. Celles-ci, dans leurs fréquentes disputes, essayèrent de prouver la pureté de leur dogme dans une discussion solennelle devant une grande assemblée de prêtres et de laïcs. Dans la première période du bouddhisme, les chefs seuls des écoles rivales pouvaient engager la discussion, le vaincu devait mettre fin à son existence, devenir l'esclave de son adversaire plus heureux, embrasser sa croyance ou abandonner sa fortune au vainqueur. Plus tard, des monastères entiers prirent part à ces discussions et les établissements des vaincus furent détruits. Cette circonstance explique la disparition totale de maints monastères dans l'Inde. Fin de la note. À cette nouvelle période du bouddhisme, où les dogmes fondamentaux de Sakyamuni commencent à être interprétés sous différents points de vue, les anciennes sectes sont appelées le système Hinayana. Ce nom signifie « petit véhicule » et a son origine chez les bouddhistes modernes. L'épithète « petit » vient de ce que les adhérents de ce système se bornent à la morale et à l'observation extérieure, sans faire usage d'une théologie aussi abstraite, aussi raffinée et profondément mystique que celle qu'adopta plus tard l'école Mahayana, ou du grand véhicule. Yana, véhicule, est une expression mystique qui indique que l'on peut échapper aux peines inhérentes à la naissance et à la mort en pratiquant les vertus enseignées par les Bouddhas et atteindre enfin au salut. Les détails suivants peuvent être cités comme caractéristiques du système Hinayana. Premièrement, il se distingue des Sravakas par la manière de développer le principe du bouddhisme. Il faut fuir le monde, parce qu'il grève sur l'existence humaine la souffrance et la mort. La démonstration de la source de l'existence n'est plus tirée seulement des 4 vérités, mais aussi des 12 nidanas, en tibétain tambrel shuni, qui sont basées sur les 4 vérités. Les nidanas, théorie de la connexion causale ou enchaînement des causes d'existence, sont formulés ainsi qu'il suit. De l'ignorance naissent le mérite et le démérite, du mérite et du démérite la connaissance. De la connaissance le corps et l'esprit, du corps et de l'esprit les 6 organes des sens, des 6 organes des sens le toucher, ou contact, du contact le désir, du désir la sensation, plaisir ou peine, de la sensation l'union, ou attachement, aux objets existants, De l'attachement aux objets existants, renouvellement de l'existence, ou reproduction après la mort. De la reproduction d'existence-naissance. De la naissance décrépitude, mort, chagrin, douleur, dégoût et mécontentement passionné. Ainsi se produit le corps complet des mots. De la complète séparation et de la cessation de l'ignorance découle la cessation de mérite et démérite. De celle-ci, cessation de connaissance. De celle-ci, celle du corps et de l'esprit. De là, cessation de la production des six organes. De celle-ci, cessation du toucher. Sans le toucher, point de désir. Sans désir, point de sensation, agréable ou pénible. La sensation supprimée, plus d'attachement aux objets existants. Par là, plus de reproduction d'existence. Celle-ci entraîne la suppression de la naissance. Sans naissance, plus de décrépitude, ni de mort. Ainsi s'éteint le corps complet des mots. Deuxièmement, nous trouvons dans les livres d'instruction appartenant à ce système une accumulation considérable de préceptes et de règles dont le but est de dégager les fidèles des liens qui les attachent à l'état présent et futur de l'existence et de fortifier, en eux, les vertus morales. Le trait dominant partout est curieux et digne de remarque. Le caractère général qui se dégage de tous ces principes, compris dans 250 articles, est négatif. Ainsi la charité est recommandée non par l'ordre de donner, mais par la défense de prendre, excepté quand le don est une aumône. Déjà cette école avance cette doctrine, que la perfection dans la méditation abstraite est indispensable pour le salut final. Cette perfection est la preuve d'une énergie qui ne découle pas de la pure pratique des simples vertus. Néanmoins, cette idée ne va pas jusqu'à assigner à la spéculation mentale une plus grande valeur qu'aux vertus. Dans certaines circonstances pourtant, l'assiduité dans une réflexion sans distraction devient une tâche des plus difficiles. Aussi certains exercices préparatoires sont-ils recommandés pour conduire l'esprit à l'abstraction complète des objets extérieurs, mondains. Mais ici nous trouvons dans le bouddhisme de parfaites extravagances dans l'ordre des considérations morales. Compter les inspirations et les exhalaisons du souffle est selon lui un excellent moyen d'obtenir la tranquillité de l'esprit. L'horreur du monde, dit-il, découle des méditations sur les attributs du corps. Si donc on commence par considérer son corps comme une pourriture, on se convaincra qu'il ne contient rien que misère et décrépitude. Et il sera alors facile de dépouiller toute affection pour lui, on finira même par considérer la nourriture comme étant aussi un amas de putréfaction absolument dégoûtante. Note. Ce fanatisme moral ne paraît pas, cependant, découler exclusivement du bouddhisme, car les bouddhistes eux-mêmes déclarent que ces pratiques étaient connues aussi des tertikas, ascètes brahmanes, appelés aussi les incrédules. Fin de la note. Sous le rapport du degré de perfection que l'homme peut atteindre dans les vertus et la science, ce système reconnaît plusieurs gradations, basées sur les considérations philosophiques suivantes. L'intelligence des doctrines enseignées par Sakyamuni diffère avec chaque homme. Il y a plusieurs degrés de compréhension. Ceux qui ont réussi à atteindre au plus haut degré sont supérieurs à ceux qui sont restés plus bas. Quatre chemins mènent à la compréhension, et pour arriver à la libération finale, Nirvana, il est de toute nécessité d'en suivre au moins un. La libération arrive, soit instantanément par suite de mérites accumulés dans des existences antérieures, soit par une pratique soutenue des divers exercices prescrits. À la poursuite de chacun des quatre chemins de compréhension sont assignées des propriétés particulières. Ceux qui n'ont encore mis le pied dans aucun de ces chemins sont désignés dans les livres sacrés sous le nom de fous, ou ceux qui vivent dans les filets de l'attachement à l'existence, du mauvais désir, de l'ignorance et de l'impureté. Ces hommes imprudents ne se servent pas des moyens révélés par le Bouddha pour se délivrer de la métempsychose, leurs esprits sont obscurcis, pesants et incapables de claire intelligence. De tels êtres ne sont pas encore sur le chemin de la libération finale qui est seulement au bout de l'un des chemins de sagesse. Voici de quelle manière les bouddhistes définissent l'importance croissante des quatre chemins. Premier chemin, il est atteint par les Srotapati ou ceux qui sont entrés dans le courant conduisant à Nirvana et ont ainsi avancé d'un pas vers le salut. On atteint Nirvana en rejetant l'erreur qui enseigne « Je suis où ceci est à moi », en croyant à l'existence réelle des Bouddhas et en comprenant que les pratiques et exercices qu'ils ont ordonnés doivent être soigneusement observés. Du moment de l'entrée dans ce chemin jusqu'à l'arrivée à Nirvana même il n'y a plus que cette naissance, mais on ne peut prendre place dans aucun des quatre enfers. Le saint erre constamment, et suivant les notions des Chinois, ces migrations durent 80 000 kalpas, ou période d'une révolution mondaine. Second chemin. Celui qui est arrivé ici est appelé Sakridagama, celui qui naîtra encore une fois. L'esprit de cet être est éclairé sur le sujet des trois doctrines que comprennent les Srotapati. De plus, il est délivré du désir de l'attachement aux objets matériels et ne souhaite pas le malheur des autres. Il peut, ou suivre ce chemin dans le monde des hommes et ensuite naître dans un monde de Dieu, ou bien entrer dans le monde des dieux pour renaître ensuite dans celui des hommes. Il doit encore attendre 60 000 kalpas avant d'arriver à Nirvana. Troisième chemin, ici. L'élu, Anagama, celui qui ne naîtra plus, est affranchi des cinq erreurs déjà dépouillées par le Sakridagama, et aussi des mauvais désirs, de l'ignorance, du doute et de la haine. Il peut entrer par une naissance visionnelle dans le monde des dieux et de là atteindre Nirvana, mais il doit attendre 40 000 kalpas. Quatrième chemin. Celui-ci est le plus élevé des chemins de perfection, il est atteint par les Arhats, Arhants ou Archats, titre qui signifie qu'il mérite de devenir membre des fidèles, Sanigha. Dans la première période du bouddhisme, le nom d'Arhat a été donné à tous ceux qui s'étaient élevés à l'intelligence des quatre vérités. Mais une telle puissance d'esprit, disent les disciples d'Hinayana, ne peut être atteinte que par ceux-là seuls qui ont renoncé au monde, c'est-à-dire les prêtres. Ils sont donc les seuls qui jouissent de l'avantage d'entrer dans le quatrième chemin, avantage qui ne consiste en rien moins que l'émancipation de la renaissance et la possession de cinq facultés surnaturelles, ou abhijna. Rapporté de quelqu'un qui l'a vu Nirvana revient à dire qu'il est devenu Arhat. Sakyamuni n'est pas l'auteur de la restriction qui réserve Nirvana au clergé, il admet au contraire tous ses disciples aux grâces de sa loi. J'aurai occasion, dans le chapitre sur le clergé tibétain, de revenir sur l'acceptation ou le rejet de ce dogme par les diverses écoles. À la première période du système Hinayana, la liste des différentes gradations doit avoir été restreinte aux Arhats, le Bouddha lui-même n'ayant d'abord pas d'autre nom, mais dans le développement progressif de ce système l'Arhat fut dépassé par les Pratyeka Bouddha, les Bodhisattva et les Bouddhas plus parfaits. Les Pratyeka Bouddhas sont des hommes qui, atteignant sans aide, par leurs seuls efforts, le Bodhi des Bouddhas suprêmes, restent limités dans leur pouvoir comme dans leur intelligence. Ils sont incapables de délivrer quelqu'un du renouvellement de l'existence, parce qu'ils s'occupent seulement de leur propre salut sans contribuer en rien à celui des autres hommes. Aussi aucune légende n'attribue aux Pratyeka Bouddha des travaux miraculeux comme ceux des Bouddhas suprêmes, et on croit qu'ils n'apparaissent jamais quand un véritable Bouddha vit sur la terre. Les Bodhisattvas sont les prétendants à la dignité de Bouddha ou les hommes qui sont arrivés à l'intelligence, ou Bodhi, des Bouddhas suprêmes par l'assiduité dans la pratique des vertus et de la méditation. Quiconque s'efforce d'atteindre à ce rang sublime doit passer par d'innombrables phases d'existence, pendant lesquelles il accumule une plus grande somme de mérite. Par là il gagne la protection d'un Bouddha vivant en même temps que lui sur la terre, et avec son assistance s'élève à l'une des régions célestes, où il attend sa prochaine naissance comme sauveur. Les livres sacrés Hinayana ne mentionnent aucun de ces candidats parmi les compagnons de Sakyamuni, qui du reste ne pouvait être contemporain d'aucun Bodhisattva. On ne croit pas qu'ils prennent une part active dans la conduite des hommes. Ce titre désigne seulement la condition de ceux qui doivent atteindre le rang de Bouddha à leur prochaine incarnation, confère Burnu Feardi. Markandanarchive.org 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.